Et je ne sais pas ce qui m'arrive. L'impression que je dérive. Je pense encore à toi malgré tout. Tu le sais, cet amour me rend fou. Au début j'ai ressenti cette chose. J'étais sur mon nuage rose. Et maintenant je vois partir le sentiment qui sait pas mentir. J'y repense à chaque fois que je croise ton regard. Ces paroles qui me hantent, qui me troublent à mon égard. Et je ne sais pas comment ça se fait que c'est puissant. Et que cette chose me fait mal et je suis impuissant. Je me lève sous les larmes, c'est épuisant. J'imaginais pas que l'amour pouvait être fort à 20 ans. Apparemment, on se trompe souvent. J'suis tombé dans le panneau, celui des sentiments. Et je regrette le fait de ne pas être fort. Le fait de te faire du mal et du tort. Car ce mot, pour moi, est difficile à dire. L'amour est une chose que l'on interdit d'interdire. Comme un homme qui espère percer le ciel. La faire à l'envers, à l'amour aux étincelles. Et comme un boy qui se dit que la vie ne vaut rien. Buté sur cette phrase de l'amour et du bien. Comme un lascar qui rencontre sa miss. La femme de sa vie qui devient la monitrice du temps. Qui passe tous les jours par le cœur. Qui décide si cet homme doit connaître le bonheur. Si la souffrance est un drame. Si la souffrance est vraiment un drame, alors pour moi l'amour est un charme. Ça le bouleverse et le renverse à coup sûr. Que l'homme qu'il était n'est plus un homme dur. Malgré la rupture, il est debout. Il se dit pour se battre comme un fou. Auparavant inconscient et maintenant il ferait tout. Juste pour la revoir, la toucher de partout. Il est fou, il perd la tête tout le temps. Il est partant, quitte à ouvrir l'océan. Il sait maintenant que la vie ne vaut rien. Sans elle, ça se voit qu'il n'y a rien de bien. On peut dire maintenant que le passé te déchire. Réduit à cela, un homme en train de réfléchir. Il surmonte, évitant de fléchir. Espérant réussir. Et je sais ce que j'ai, je le vis constamment. Les remords me détruisent, je regrette fortement. Le fait de te perdre chaque jour et c'est dur. Mais une chose est claire, je t'aime fort, ça c'est sûr. Et maintenant, je pense qu'il faudrait baisser les bras. Je ne sais pas, mais t'oublier je ne peux pas. Car l'amour est une chose qu'on ne contrôle pas. Une goutte de larmes qu'on ne peut percevoir. Tu sais, nous les mecs, on n'a pas de sentiments. On s'en fout de l'amour et tout ça volontairement. Mais bon, imagine un homme dort dans la nuit. Une chose le visite comme l'amour et ses fruits. Là il tombe dans les bras de cet état d'esprit. Il sait plus qui il est, juste qu'il aime pour la vie. Ça le bouleverse, le renverse à coup sûr. Que l'homme qu'il était n'est plus un homme dur. N'est plus un homme dur. N'est plus un homme dur. Et pour moi, la souffrance n'a plus aucun poids. Je te le jure. C'est avec toi, et rien qu'avec toi. Pour toujours, mon cœur est là. Il sera toujours. Il pense à toi, ma moitié.